Labbé, quatre victoires en finale des Hurricanes de Mathieu-H, 4-0. Sport local et régional, adanazosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.